Second chapitre, le papier bleu. Lorsque l'on a franchi la porte d'Asnières et que l'on suit pendant quelques minutes la rue Victor Hugo, on aperçoit bientôt le long des fortifications une voie large et triste bordée sur la gauche de maisons délabrées. C'est la route de la révolte. Les gens qui habitent là sont tous pour la plupart d'honnêtes artisans. Chassés du grand Paris, où les loyers deviennent inabordables, ils trouvent dans ce coin perdu, pour un prix modique, de quoi se loger eux et leur famille. Ce n'est certes pas l'habitation rêvée, mais n'est-on pas souvent obligé de se contenter de peu lorsque l'on gagne péniblement sa vie et qu'il faut pourvoir chaque jour à la subsistance des siens? Depuis la mort de son mari, survenue l'année précédente, Madame Mahot, la mère de Francis, était venue se fixer dans ce quartier désolé où règne sans cesse la tristesse, cette inséparable compagne des déshérités. Lorsque Francis pénétra dans le logement de la route de la révolte, sa mère travaillait devant une petite table à la lueur d'une mauvaise lampe à pétrole. « Comme tu viens tard, mon Francis !» s'écria-t-elle en se levant. « Je ne vivais plus. Je craignais qu'il ne fût arrivé quelque chose. » « Tranquillise-toi, » répondit le gamin en se jetant dans les bras de sa mère. « Si j'arrive en retard, ce n'est pas de ma faute, car, vois-tu, Madame Mahot venait d'apercevoir Louisette. « Quel est cet enfant ? » demanda-t-elle en s'approchant de la fillette. « Une pauvre petite gosse que j'ai trouvée grelottant de froid dans la neige. Ses parents l'ont abandonnée. Elle est seule au monde. Alors, j'ai pensé que tu ne m'en voudrais pas de l'avoir amenée. « Pauvre petiote !» s'écria la mère en prenant Louisette dans ses bras. « Comme elle est chétive, comme elle est mignonne. Mais elle est toute gelée, la pauvrette. Ses petites menottes sont glacées. Est-il possible qu'il y ait des gens assez misérables pour abandonner des chérubins pareils ?» Et, se disant, Madame Mahot embrassait Louisette qui, certaine déjà d'avoir trouvé une amie en cette inconnue qui la regardait en souriant, se serrait frileusement contre elle comme un pauvre petit oiseau transi. Francis s'était approché du poêle sur lequel chauffait le modeste repas du soir. « Maman, dit-il, je vais remettre un peu de charbon. Louisette a froid, ses habits sont tout trempés. Vois comme elle grelotte. » Madame Mahot regarda son fils d'un air triste et l'apprenti comprit ce que cela voulait dire. Il n'y avait plus de charbon. Ah, c'est que la vie était dure depuis quelques mois dans ce pauvre intérieur où il manquait un homme. Madame Mahot s'épuisait en vains efforts pour gagner quelque argent à des travaux d'aiguille, mais la pauvre femme, affaiblie par une récente maladie, n'avançait guère en besogne et souvent, prise de faiblesse, elle était obligée d'interrompre sa couture. Quand elle arrivait à gagner 6 ou 7 francs par semaine, c'était tout, et la paye de Francis, soit 2 francs par jour, servait presque seule à entretenir la maison. Avec cela, l'hiver était rude cette année-là. Il fallait du charbon, du pétrole, et il restait bien peu, comme on voit, pour la nourriture et l'entretien. C'était la gêne au foyer, la gêne qui bientôt ferait place à une ennemie plus impitoyable encore. L'apprenti considéra tendrement sa mère et lui dit d'un ton caressant « Te désole pas, va, maman, tout finira bien par s'arranger. Pour le moment, c'est dur, j'en conviens, mais le patron va m'augmenter prochainement. Et puis, je suis un homme maintenant. » Les yeux de l'apprenti venaient de tomber sur une enveloppe posée sur la cheminée. « Tiens, dit-il, qui donc nous a écrit ?» Madame Mahot ne répondit pas, mais Francis, qui l'observait, la vit soudain pâlir. « Je puis regarder ? » demanda-t-il anxieux. Sa mère eut un hochement de tête. Alors l'enfant prit vivement l'enveloppe, en sortit un papier bleu et se mit à lire à haute voix. L'an 1912, le 16 novembre, à la requête de M. Poussigaud, propriétaire, demeurant à Paris, 254 boulevard Haussmann, pour lequel domicile est élu en mon étude, j'ai Albert Clodomir Leroc, huissier près le tribunal de la Seine, fait commandement à Madame Veuve Mao, demeurant à Paris, 135 route de la Révolte, de payer dans les 24 heures aux dix requérants la somme de 76 francs 55 centimes, montant de son loyer échu à la date du 15 octobre écoulé. Francis s'arrêta de lire et regarda sa mère. C'était la première fois que l'enfant déchiffrait un de ces terribles grimoires judiciaires qui apportent avec eux dans les maisons la ruine de bien des espérances et y provoquent parfois d'effroyables drames. « Qui a envoyé cela ? » demanda-t-il. « Le propriétaire ? » Et, ajouta Francis d'une voix étranglée, « si dans 24 heures nous n'avons pas payé, on nous saisira, mon enfant, puis on vendra notre pauvre mobilier. » L'apprenti sentit un frisson lui courir le long du corps. Était-ce possible ? Quoi ? Du jour au lendemain, on pouvait tout vendre chez sa mère, leur enlever tout ce qu'ils possédaient, ces meubles familiers que l'on aime comme des amis, ces chères choses sans valeur qui tiennent cependant tant de place dans l'existence. « Voyons, maman, » dit-il, « peut-être ne faut-il pas s'alarmer ainsi. Le propriétaire doit savoir que nous sommes d'honnêtes gens, que nous le paierons. Il est riche, lui, il peut attendre. » « Le propriétaire ne nous connaît pas, mon enfant. Il ne sait pas non plus quelle est notre détresse, notre souffrance de chaque jour. Pour lui, nous devons, il faut payer. Et au fond, cela est juste. Il ne peut nous loger pour rien. Je comprends, mais il ne peut pas non plus nous jeter sur le pavé par un froid pareil. C'est un homme, après tout. Il doit avoir de la famille, des enfants. Oh, je t'assure que si je le voyais, je parviendrais bien à l'apitoyer. » « Il ne te recevrait pas, mon Francis. Et pourquoi cela ? Parce que tu n'es qu'un enfant. » L'apprenti baissa la tête, réfléchit quelques instants, puis murmura. « Nous verrons bien, maman. Ne me dis-tu pas souvent que mon père, qui était un brave et courageux travailleur, avait coutume de répéter « Plus on a de famille, plus on se sent de courage. Eh bien, moi aussi j'en ai du courage, et j'en aurai encore plus maintenant que nous sommes trois à la maison. » D'ailleurs, j'ai mon idée.